l'actu de la semaine sur Madness. Il est 17h sur Madness, on est le dimanche 1er juin et c'est déjà la deuxième émission du débrief. On parlera info dans quelques instants, puis le dossier de la semaine auquel vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, hashtag MDNS. Donnez vos opinions et idées d'info également. On satisfera aussi les fans de sport et culture évidemment. Mais avant tout cela, on s'écoute les Church sur Madness. Le débrief avec Lucas sur Madness. Les 7 infos tout de suite, on retrace les actus marquantes jour par jour durant cette semaine. Le débrief, les 7 infos. Pour ce lundi 26 mai, on va parler de la chute médiatique de l'UMP. Le directeur de cabinet de Jean-François Copé et député européen a reconnu des montages financiers lors des élections présidentielles de 2012. Une révélation pleine d'émotions sur BFM TV. Cette affaire sera notre dossier de la semaine. Autre actualité pour ce lundi, actualité plus internationale, avec une nouvelle bataille en Ukraine, celle de l'aéroport de Donetsk. Alors, sous le contrôle des forces séparatistes pro-russes, l'aviation ukrainienne est intervenue en parachutant des soldats sur l'aéroport. Un bâtiment de l'aéroport était en flammes. Des affrontements ont aussi eu lieu dans plusieurs villes, mais les forces ukrainiennes ont été chassées de l'aéroport. Denis Pushilin, chef de la République autoproclamée de Donetsk, a déclaré l'état de guerre. Une opération escargot a été menée par les auto-écoles de Seine-Saint-Denis dans le nord de Paris. Ils ont bloqué la circulation pour protester contre le manque d'inspecteurs d'auto-écoles, de moins en moins nombreux. Trop d'élèves doivent attendre en région parisienne. Résultat, les élèves vont en province afin de pouvoir passer rapidement leur permis de conduire. Je vous propose tout de suite d'écouter une directrice d'auto-école à Aulnay-sous-Bois au micro de BFM TV. Les places que nous avons, eh bien, nous les utilisons uniquement pour passer des premières demandes. C'est-à-dire des gens qui passent pour la première fois, que les redoublants sont obligés d'attendre entre 6 et 8 mois pour avoir une date d'examen, pour repasser une deuxième, voire une troisième. Autre information pour ce mardi, c'est la publication par la Malaisie des données satellites utilisées pour déterminer la trajectoire du vol MH370, disparu le 8 mars dernier. Elles ont été rendues publiques par demande des familles des victimes, des données expliquées et fournies par Inmarsat, qui a effectué des relevés pour reconstituer la route de l'appareil transportant 239 personnes. Rassurez-vous, cela n'enlèvera pas le fait que vos impôts baisseront, mais une mauvaise nouvelle a affecté ce mercredi Bercy. Les recettes fiscales ont rapporté 14,6 millions d'euros de moins que prévu en 2013. Un manque à gagner d'après Stéphane Le Foll. Alors, est-ce une erreur de calcul ou alors juste une erreur de compréhension? En tout cas, c'est la Cour des comptes qui a publié le budget de l'État. Et le bref verdict de la Cour est que les dépenses sont maîtrisées, mais des recettes progressant moins vite d'escomptées en dépit d'un fort alourdissement programmé des prélèvements, d'où un déficit qui se réduit plus lentement que prévu et une dette qui continue à progresser. On va encore parler de chiffres. D'après vous, qu'est-ce que 3268 représente pour vous? Eh bien, c'est le nombre de personnes qui sont décédées l'an dernier sur les routes, soit 385 personnes de moins par rapport à 2012, l'année la moins meurtrière. Donc, un chiffre historique. Il y a bien sûr quelques facteurs comme le temps, les radars mobiles, mais pourquoi pas une prise de conscience par les automobilistes. La tendance pour 2014 est malgré tout moins bonne. Je vous propose d'écouter le délégué interministériel à la sécurité routière, Jean-Robert Lopez. La tendance pour 2014 est moins bonne puisqu'on enregistre depuis ces 4 premiers mois 67 tués supplémentaires. Il y a vraisemblablement un relâchement dans les comportements. C'est un appel au comportement responsable des automobilistes que je fais ce matin. On va rapidement parler football pour ce jeudi, mais le sport se mêle aussi à la politique. Le président de la République, François Hollande, est allé encourager les Bleus à Clairefontaine. Les joueurs sont en stage de préparation pour la Coupe du Monde au Brésil. Le président respecte bien sûr les qualités techniques des joueurs et entraîneurs. Il veut que cet événement soit une fierté nationale. Malgré tout, la ville de Paris interdit les écrans géants afin de suivre les matchs de football dans la capitale. Dernière petite actu plutôt insolite, un habitant de Haute-Garonne ayant gagné 72 millions d'euros à l'euro-million va verser plus de 50 millions d'euros à des associations. Un beau geste, très médiatisé bien sûr. C'est la fin de cette info, tout de suite on s'écoute Vance Joy. Le débrief, les 7 infos. La suite de ces 7 infos, on revient sur les actus marquantes de vendredi à aujourd'hui sur Madness. Vendredi, un conseiller de François Hollande a été retenu par 5 personnes de la Confédération paysanne dans la préfecture de Picardie. Le conseiller a été retenu pendant 4 heures environ en marge de l'inauguration du musée Pierre Soulages à Rodez par le président de la République. Les syndicalistes ont obtenu la libération de 5 militants retenus dans la Somme pour avoir démonté une ferme des 1000 vaches. Ils seront tout de même entendus et leurs poursuites judiciaires ne sont pas supprimées. Vous ne voulez pas que votre nom et prénom apparaissent sur le moteur de recherche Google? Eh bien, il est actuellement possible de se faire oublier du moteur. Sous certaines conditions, bien sûr, un formulaire en ligne est réservé aux Européens. Ce sont des citoyens qui ont revendiqué leur droit à l'oubli. La Cour européenne des droits de l'homme a accepté leur revendication. Ce samedi, c'est bien sûr une victoire sportive qui a fait la une des journaux, ou plutôt des pages sport. C'est Toulon qui est devenu champion de France de rugby. On en reparle dans le JT Sport. Gangnam Style ou la danse du cheval, le chanteur de K-pop n'en finit plus. Il vient de dépasser les 2 milliards de vues sur YouTube. Il affole les compteurs avec sa vidéo et nous indique même qu'il sortira un nouveau titre, Hangover, écrit avec Snoop Dogg. Et oui, Psy sera dans un tout autre genre, plus hip-hop. Pour ce dimanche, l'actu frappante est aussi l'arrestation à Marseille d'un homme de 29 ans, originaire de Roubaix. Il est suspecté d'être l'auteur de la tuerie qui a fait 4 morts au musée juif de Belgique à Bruxelles. L'homme était armé lorsqu'il a été arrêté. Il serait sans domicile fixe et serait également suspecté de s'être rendu en Syrie pour le djihad. Dernière actualité en politique, François Hollande et Manuel Valls auraient planché ce samedi sur le projet d'unification des 22 régions actuelles. Et il en restera plus que 12 des super régions donc. Pour des raisons de densité de population, l'Île-de-France, la Corse et le PACA ne bougeraient pas. Des modifications pourraient tout de même s'effectuer par après. Et des présidents de régions affirmeraient aussi leur envie de changer de couleur. C'est la fin de ces 7 infos. Dans quelques instants, le dossier de la semaine. Mais avant ça, on s'écoute tout de suite John Legend sur Madness. C'était All of Me de John Legend sur Madness. Dans quelques instants, le dossier de la semaine et le retour de la musique. Mais avant cela, une petite page de pub. Le débrief avec Lucas sur Madness. Happy birthday. Le débrief. Le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine sera politique. Aujourd'hui, on va parler de l'implosion du parti politique de l'UMP. Vous l'avez sûrement entendu dans les médias, mais que s'est-il vraiment passé? Revenons donc sur les faits. L'affaire part bien sûr d'une affaire de financement, le financement de la précédente campagne présidentielle de 2012, mais elle a débuté ces temps-ci par les révélations de Jérôme Lavrieux, bras droit de Jean-François Copé, sur BFM TV, avec beaucoup d'émotion. Vous êtes député européen, oui. Donc vous allez bénéficier d'une immunité parlementaire. Non, je répondrai à toutes les convocations. Je ne me réclamerai pas de cette immunité. Et que sur le fond, je ne me reproche rien si ce n'est la faiblesse dont je parlais de ne pas avoir tiré sur l'alarme dans le train qui... Peut-être qui filait à toute vitesse. Démissionner, peut-être avoir dit je ne peux pas cautionner. C'est une lourde responsabilité de faire ça. Vous arrêtiez net une campagne électorale. J'ai pas eu ce courage. Parce que c'est inévitable. Ça fait pathétique, je suis désolé. Non, mais est-ce que... Jean-François Copé, qui se dit victime de la pression médiatique, a démissionné du poste de président de l'UMP. Dans sa lettre ouverte, il affirme également qu'il voulait être, je cite, « le premier artisan de la vérité ». Mais Copé s'interroge tout de même sur les révélations faites par la presse. Une somme atteignant les 20 millions d'euros aurait été réglée par le parti. Il s'interroge aussi sur la société Big Malion présente dans l'affaire. Et dans cette période, peu de soutien, on ne veut pas se mouiller, ou plutôt mouiller l'autre, comme François Fillon, ex-premier ministre, qui réfute la mauvaise gestion du parti par Jean-François Copé. Lionel Tardy, quant à lui, prédit l'éclatement du parti. Le 27 mai, après les révélations et coups médiatiques, ce fut l'heure des prises de décisions internes au parti. Elles se sont effectuées au sous-sol de l'Assemblée nationale. Le bureau politique s'est donc réuni. Après plus de 2 heures de négociations, on peut le dire ainsi, Jean-François Copé a donc accepté de démissionner pour mi-juin laissant place à une direction collégiale assurée par les ténors de ce parti, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon. Un nouveau congrès sera organisé dès octobre prochain. Un drame médiatique et pourquoi pas un handicap difficile à supporter pour l'UMP. Cette affaire Big Malion pourrait aussi compromettre le retour de Nicolas Sarkozy sur la scène politique. Il avait pourtant bien géré sa com. On rappelle que l'ancien président de la République est dans l'affaire. Voilà pour le dossier de la semaine, un raté politique et surtout médiatique. Vous pourrez réagir au prochain dossier sur Twitter avec le hashtag MDNS. On s'écoute tout de suite Lady Gaga sur Madness. On revient tout de suite sur l'actu sportive de ce dimanche avec le JT Sport bien sûr. Le débrief, l'actu sport. 18 à 10, c'est le score de la victoire pour Toulon en top 14 de rugby, qui devient ainsi champion de France en ayant vaincu Castres. Ils réalisent tout de même un doublé magnifique, puisqu'il y a une semaine, ils ont été sacrés champions d'Europe. Il aura fallu s'y prendre à 3 fois pour l'équipe. Le mythique Johnny Wilkinson était dans les rangs du RCT. Ce fut son dernier match. Il a pris sa retraite après la rencontre. Il s'est tout de même offert un drop qui a permis à Toulon de prendre l'avantage en 35e minute et a passé son temps à partager ce moment avec les joueurs durant le match. C'est la fête donc pour les Varois après leur doublé. On va rapidement aborder Roland Garros. Nos Français ne sont pas si mauvais que ça. Tsonga s'est qualifié en 3-7 contre le Polonais Janowicz, mais il ira affronter Djokovic dans le 4e tour. Gilles Simon, quant à lui, n'a pas démérité, mais s'est incliné en 5-7 tout de même contre le 8e mondial alors qu'il est au 29e rang. Richard Gasquet affrontera Fernando Verdasco dans ce 3e tour qui n'est pas encore terminé. Gaël Monfils a remporté son match face à l'Italien Fonini en 5-7. Un match que les médias renomment chaud, vu l'attitude de l'Italien maintes fois rappelé à l'ordre. Nadal et Federer sont évidemment eux aussi qualifiés. On pourrait tout de même se poser la question, vu qu'en tournoi féminin, les 3 premières mondiales ont déjà été éliminées. En football, la France disputera aujourd'hui son 2e match de préparation pour la Coupe du Monde au Brésil contre le Paraguay. Mais Franck Ribéry, pièce majeure de l'équipe, souffrirait de douleurs dorsales. Il suit à présent un programme individualisé, mais il est déjà allé faire des examens dans un hôpital parisien. Le joueur du Bayern ne jouera pas ce match, mais d'après le sélectionneur Didier Deschamps, rien de grave au vu des examens. Il devrait reprendre l'entraînement dès la semaine prochaine. Affaire à suivre. Et on termine avec la NBA. La finale va débuter. Elle est séquencée en plusieurs games, match en français. Le game 1 aura lieu le jeudi 5 juin à Miami, puisque la finale oppose les Miami Heat aux San Antonio Spurs. Tous les deux vainqueurs respectivement face aux Pacers et à Oklahoma City. Rendez-vous donc jeudi prochain. C'est déjà la fin de ce JT Sport. Tout de suite, les Americans The Tour sur Madness. Le débrief avec Lucas sur Madness. C'était Best Day of My Life des American Authors. La pub tout de suite, dans quelques instants, le JT Culture. On parlera cinéma, buzz et musique bien sûr. Vous pouvez donner vos idées de films et musique sur Twitter et Facebook. Le débrief avec Lucas sur Madness. De films et de musique ainsi qu'un buzz, le mélange parfait pour le JT Culture dès à présent. Et on commence tout de suite avec la sélection des 2 films sortis mercredi au cinéma. Le premier se nomme Maléfique, il a été réalisé par Robert Stromberg, qui signe ici son premier long métrage produit par Walt Disney avec un budget de 200 millions de dollars. Angelina Jolie y joue une jeune femme au cœur pur qui mène une vie idyllique au sein d'une paisible forêt dans un royaume où règne le bonheur et l'harmonie. Un jour, une armée d'envahisseurs menace les frontières du pays et Maléfique, n'écoutant que son courage, s'élève en féroce protectrice de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une personne en qui elle avait foi va la trahir, ce qui va petit à petit transformer son cœur pur en un cœur de pierre. Elle s'engage donc dans une bataille épique avec le successeur du roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille qui vient de naître, Aurore. Mais lorsque l'enfant grandit, Maléfique se rend compte que la petite princesse détient la clé de la paix du royaume et peut-être aussi celle de sa propre rédemption. Est-ce vrai ? Êtes-vous Maléfique ? Et le deuxième film se nomme Amour sur place ou à emporter. Il est d'un tout autre genre. C'est une comédie française réalisée par Amel Chabi, qui est aussi actrice, avec notamment Noom Diawara et Pablo Poli. Amel et Noom sont deux jeunes trentenaires que tout oppose et que le destin va réunir. Elle, sérieuse, manager au Starbucks, dynamique, et lui, en dilettante, malin et apprenti comique. Tous deux, victimes de déceptions amoureuses, ils ont juré qu'on ne les y prendra plus. Alors, comment faire quand, malgré tout, ces contraires s'attirent? Un jeu de séduction se met alors en place pour notre plus grand bonheur. Mais tout n'est pas si rose. Les familles, les amis, les collègues s'en mêlent. Les guerres sont déclarées, les brouilles explosent. Pris entre les racines de leur éducation et le feu de leurs sentiments, quel camp vont-ils choisir? L'amour triomphera-t-il? Un bon film, donc, produit par Gaumont, à regarder pourquoi pas pour se déstresser avant les examens. En sortie musique, je vous propose tout d'abord Beat Assaillant. Il vient de sortir le 26 mai un nouvel album intitulé City Never Sleeps. Adam Turner, de son vrai nom, a attendu seulement 2 ans pour sortir un album rap ayant un rythme très entraînant. Album porté par le premier single Run, dont on écoute tout de suite un extrait sur Madness. Started on my cousin's couch. Didn't even have my own house. Used to sleep here and there. Had me stressed out, putting up things in the air. Felt like a bear, living on my back. So I had to bring the vibe when recording on the track. I had another life, but I left it all behind. Since we only live and once, I turn it back. Cause we all gonna run. Run, run, run. So make it back in time. Let's go, get your feet up though. Let's go, get your feet up though. Come on. Et drôle de coïncidence pour notre deuxième musique, on va parler d'un album de pop française, ce sont les Talisco. Et devinez le titre, c'est bien sûr Run, vigoureuse et astucieuse comme pop. Écoutez le morceau Your Wish. L'album est sorti le 19 mai déjà. On se lâche pour la fin de ce JT Culture avec le buzz bien sûr, et on va parler sport. Le tennisman français Nicolas Mahut était déjà très déçu mardi 25 mai après sa défaite en 4-7 contre le Kazakh Kukushkin au premier tour de Roland-Garros. Il a donc plutôt mal pris l'intervention lors de la conférence de presse d'après-match. Un journaliste anglais l'a félicité pour son match. Vexé, le sportif demande si le journaliste avait vu le match. Eh bien non, il exige donc par après les questions en français. Congratulations. Congratulations. I lost. You lost? Yes. Oh, okay. So, what happened out there? Are you serious? No. Did you watch the match? No, I didn't. I was told that you won. I'm sorry. Question en français, s'il vous plaît. C'est la fin de ce JT Culture. Tout de suite, on s'écoute Shakira sur Madness.